Le billet d'humour d'Audrey Charlot. Bonjour à tous, bienvenue dans la petite chronique d'Audrey. La Zoom attitude. Zoom, le mot qui depuis le confinement est dans toutes les bouches. Je peux pas, j'ai Zoom. Dessin, peinture, danse, yoga, cuisine, on a un peu tout essayé pendant cette période, se rêvant artiste et passionné de tout. Oui, mais maintenant, on peut toujours continuer et se perfectionner dans notre activité. Je pense que la number one, c'est l'activité sportive qui a fait l'unanimité pendant les mois de confinement avec de nouveaux adeptes de yoga chaque jour. Alors on lâche rien, on découvre, on trouve des ateliers en ligne de yoga et comme dans un cours en présentiel, le professeur prodigue conseils et ajustements. Peut-être qu'on a réveillé l'artiste qui est en nous et on poursuit dans cette voie en suivant des cours d'aquarelle en ligne. On a besoin de poésie. Et puis si par chance on part découvrir notre belle France, on aura plein de paysages en tête pour nous inspirer. On a toutes une showgirl qui sommeille en nous. Parce qu'on s'est entraîné seul à la maison pendant le confinement, on a mis les talons, on a eu mal aux pieds et on a dansé comme si on était sur la scène du Crazy Horse. On peut retrouver en Zoom des cours des danseuses du Lido et du Moulin Rouge, rien que ça. Plus de temps à perdre, let's go girls! Bon, la seule activité à plus faire en Zoom, c'est l'apéro. C'est tellement mieux de trinquer avec les copains en terrasse. Belle semaine à tous. La chronique de Charlot, à retrouver en podcast sur itswanradio.com.